Je suis un original. Je ne suis pas normal. Je suis un original. Je ne suis pas normal parce que je parle. Certains pensent que je suis bizarre parce que je mange des lézards. Mais sachez qu'ils ont tous tort car je mange pas de lézards. Je suis un original. Je ne suis pas normal. Je suis un original. Je ne suis pas normal parce que je parle. J'ai un panache sur ma tête pour me défendre contre les bêtes. J'ai un drôle de cri aussi pour appeler mes amis. Et ça ressemble à ceci. Je suis un original. Je ne suis pas normal. Je suis un original. C'est donc normal si je chante.